Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 10e épisode. Au désespoir, les deux filles du père Goriot sont venues lui confier leurs déboires conjugaux et financiers. Impuissant et terriblement affecté par les malheurs de ses filles, le pauvre vieillard tombe malade. Il est soigné par l'ami Bianchon, étudiant en médecine. Tandis qu'au bal du boulevard Saint-Germain, Madame de Beauséant fait ses adieux au monde et abandonne Rastignac à la tristesse de ses désillusions. Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les 2 heures après-midi par Bianchon qui, forcé de sortir, le pria de garder le père Goriot dont l'état avait fort empiré pendant la matinée. Eh bien, papa. Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le regarda fort attentivement sans le reconnaître. L'étudiant ne soutint pas ce spectacle. Des larmes humectèrent ses yeux. Dieu, mais ses filles. Il ne pense qu'à ses filles. Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit. Elle danse, elle a sa robe. Il me faisait pleurer. Je descendirai à Sylvie de préparer les sinapismes. Le moment est favorable. Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixés sur cette tête effrayante et douloureuse à voir. Madame de Beauséant s'enfuit. Celui-ci se meurt. Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments s'allieraient-ils en effet à une société mesquine, petite, superficielle? Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort. C'est vous, mon cher enfant. Allez-vous mieux? Elles vont venir bientôt. Elles accourront aussitôt qu'elles me seront malades. Elles m'ont tant soigné, rue de la Jussienne. J'entends Christophe, il vous monte du bois. Oui. Bon, mais comment payer le bois? J'ai tout donné, et tout. La robe lamée était-elle belle au moins? Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Bah, je n'ai plus rien. Je te paierai bien, toi et Sylvie. Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas? Christophe, vas-y encore, je te donnerai 100 sous. Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser une fois encore, avant de mourir. Vas-y. Je ne voudrais pas mourir, pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant. J'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Je les prenais sur mes genoux. Je leur faisais 1000 agaceries. J'étais père. Je jouissais de mes enfants. Elles ne raisonnaient pas. Elles ne savaient rien du monde. Elles m'aimaient bien. Oh, mon Dieu, pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites? Oh ah, voyez-vous, il faut me guérir parce que il leur faut de l'argent. Et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille. À Odessa, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop. Un léger assoupissement survint et dura longtemps. Christophe revint. Rastignac, qui croyait le père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission. Aucune de ses filles ne viendrait. Je le savais! Il faut mourir pour savoir ce que c'est que des enfants. Mon ami, ne vous mariez pas. N'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis 10 ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. Si je ne leur avais pas donné ma fortune, elles seraient là, hein. Elles me lécheraient les joues de leurs baisers. L'argent donne tout, même des filles. Si vous saviez comme elles étaient aux petits soins pour moi dans les premiers temps de leur mariage. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi. La société, le monde roule sur la paternité, tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Oh. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me foulir aux pieds. Je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Oh, je veux mes filles. Je les ai faites. Elles sont à moi. Alors, recouchez-vous, mon bon père Goriot. Je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai si elles ne viennent pas. Voilà ma récompense. L'abandon. Oh, ce sont des infâmes, des scélérates. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Je les abomine. Je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire quand enfin, mes amis, ai-je tort ? Elles se conduisent bien mal, hein ? Oh mon Dieu, j'expire, je souffre. Oh, coupez-moi la tête. Christophe, allez chercher Bianchon et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot. Je vous les ramènerai. De force, de force. La justice est pour moi. Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux. Mais vous les avez maudites. Oh, mais vous savez bien que je les aime. Je les adore. Je suis guéri si je les vois. Oh, à boire. Mes entrailles me brûlent. Buvez ceci. Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles? Vous allez les voir. Les voir. Et je... Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait un coup de massue. Ses mains s'agitèrent sur la couverture comme pour prendre les cheveux de ses filles. Je les bénis. Bénis. J'ai rencontré Christophe, il va t'amener une voiture. Puis l'élève en médecine regarda le malade, lui souleva de force les paupières et les deux étudiants lui virent un œil sans chaleur éterne. Il ne reviendra pas, je ne crois pas. La machine va toujours, mais dans sa position, c'est un malheur. Il vaudrait mieux qu'il mourût. Parfois, oui. Dis donc, il va falloir bien des choses. Ou prendre de l'argent. Tiens, ma montre. Mais la vie t'engage. Je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une minute. Ce n'est pas un liard, il faudra payer mon cocher au retour. Rastignac partit pour aller rue du Helder chez Madame de Restaud. Il la trouva noyée de larmes et plongée dans une bergère comme une femme qui voulait mourir. Elle lui fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur son mari de craintifs regards qui annonçaient une prostration complète de ses forces écrasées par une tyrannie morale et physique. Monsieur, dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. Dites-lui que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences. Eugène salua les deux époux en devinant l'horrible crise dans laquelle était la femme et se retira stupéfait. Il courut chez Madame de Nucingen et la trouva dans son lit. Je suis souffrante, mon pauvre ami. J'ai pris froid en sortant du bal. J'irai dès que mon médecin sera venu. Pourquoi n'avez-vous plus votre montre ? Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, cela serait bien mal. Vous voulez savoir ? Votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien. Delphine sauta tout à coup hors de son lit